Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 14 décembre. Et en voici les grandes articulations. Comparution ce mercredi après-midi au tribunal de grande instance d'Oguitega de 4 personnes poursuivies dans le dossier assassinat d'un policier. C'était ce mardi dans le quartier Chatagna 4 de la ville d'Oguitega. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, on vous parlera de l'adoption ce mercredi par l'Assemblée nationale d'un projet de loi régissant les activités bancaires. Mais certains députés ont dénoncé les frais que les banques font payer à leurs clients. Le gouvernement burundais dit être prêt à accueillir les réfugiés burundais. L'annonce du premier vice-président de la République, c'était ce mardi lors d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités à Bujumbura. Dans ce journal également, on vous parlera d'une société, d'une entreprise de fabrication des briquettes dénommée Bioénergie, dont l'initiative est d'accompagner le gouvernement burundais dans la sauvegarde de l'environnement. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par François Akimana. À la présentation, Mihai Kanyange. Rebonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir, page justice. Pour débuter ce journal, 3 hommes et une demoiselle qui sont parmi ceux qui ont été arrêtés ce mardi après le meurtre d'un policier, Manario Deo, ont comparu ce mercredi dans l'après-midi devant le tribunal de grande instance de Gitega, section chambre criminelle. Le siège a fait savoir que les prévenus sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation, à savoir complicité de meurtre, complicité dans l'évasion et non-assistance à personne en danger. La présidente du siège a mentionné que ce dossier fait partie des cas de flagrance, étant donné que tous les prévenus n'avaient pas d'avocat. L'audience a été reportée ce jeudi à 8h. Les prévenus sont l'adjoint du directeur de la prison centrale de Gitega, le chef de poste de police à cette prison et le représentant des prisonniers et de la responsable de la maison de passage qui se trouve à Chatagna où a eu lieu ce crime. Et sachez que dans le même dossier, encore sans vie, un homme a été retrouvé ce mercredi matin dans une vallée reliant le quartier Chatagna et Mouchacha de la ville de Gitega. Ce corps retrouvé, celui d'un prisonnier qui s'est évadé de la prison centrale de Gitega ce mardi, se trouvait parmi les présumés auteurs du crime. Du général Adolphe Nshimirimana, il est appelé Nimubona Renova. Ceux qui l'ont vu disent qu'il portait un pantalon des détenus, mais que l'auteur s'était nu et n'avait pas de chaussures. Ils indiquent également qu'il avait une blessure sur la tête. Le défunt avait fusillé un policier ce mardi qui l'accompagnait. Il était dans une maison de passage du quartier Chatagna 4 de la ville de Gitega. Je venais de vous le dire. Et au niveau de la police, l'on indique que le détenu tué a succombé au tir de son co-détenu qui a utilisé le fusil du policier qui venait d'être assassiné. À la question de savoir pourquoi ce cadavre n'a pas été trouvé directement, Pierre Ngouliquier, porte-parole de la police nationale, indique que la victime s'était cachée. On l'écoute au micro de Joseph Sabiabandi. C'était un criminel qui avait été en prison pour avoir participé à l'assassinat du lieutenant général Adolphe Nshimirimana, qui a demandé une autorisation de sortie et qui est parti avec un co-détenu, celui-là qu'on appelle communément capitaine général, qui lui avait d'ailleurs aidé à avoir cette autorisation. Arrivé au centre-ville de Gitega, au quartier Chatagna, le prisonnier qui avait demandé l'autorisation de sortir a demandé aux policiers pour qu'il puisse passer dans une maison de passage pour rencontrer son épouse. Et quand ils sont arrivés dans cette maison de passage, il a demandé une autorisation d'aller dans une chambre pour rencontrer son épouse. Et quelques minutes après, l'autre co-détenu, appelé communément Capita général, a fait semblant de sortir de la maison de passage et la femme aussi est sortie de la chambre et de la maison de passage. C'est ainsi que quelques minutes plus tard, le prisonnier est sorti de la chambre avec un fusil de type pistolet et il a tiré sur le policier. Et le fusil s'est bloqué et la balle n'est pas sortie et il s'est jeté alors au policier

Certains députés soulèvent leurs inquiétudes quant aux frais exigés par les banques à l'endroit de leurs clients pour obtenir certains services comme la situation bancaire. Il est prévu que ce projet de loi soit en vigueur 12 mois après sa promulgation. Le député Fabien Machiganino estime que ça sera trop tard pour apporter une plus-value aux clients des banques. Le ministre des Finances, Domitien Diokougayo, appelle les banquiers à travailler dans la transparence. Pour lui, les banques doivent montrer les services qu'elles offrent gratuitement et ceux qui sont payants. Sur la question de mise en vigueur de ce projet de loi, une année après sa promulgation, le ministre des Finances estime qu'il faut donner le temps aux banques pour s'adapter aux changements. Niyonkuru, certains des habitants de la capitale Bujumbura indiquent qu'ils gagnent beaucoup en utilisant les charbons modernes dits briquettes qui sont fabriqués par l'entreprise Bioénergie. De son côté, le directeur général de cette entreprise dit que l'initiative est d'accompagner le gouvernement burundais dans la sauvegarde de l'environnement. Le point avec Évariste Nzikobanyanga. Certains propriétaires des boulangeries à mairie de Bujumbura soulignent qu'ils ont allégé mieux dans les dépenses lorsqu'ils utilisent le charbon moderne dit briquettes qui sont fabriqués par l'entreprise Bioénergie. Jonas Mitabaro est le gérant de la boulangerie Muryango, située au quartier Mirangwa Kamenge. Il énumère certaines faveurs en utilisant les briquettes. D'abord, l'utilisation des briquettes est très facile. Dans l'utilisation du bois, on voit beaucoup de fumée, mais pour les briquettes, il n'y a pas de fumée. Les lestes du briquette, c'est du fumier. Ça aussi, c'est grand chose. Et au niveau du coût aussi, il y a des différences parce que avant, pour le bois, nous consommons une somme de 1 800 000. Pour les briquettes, il y a eu la réduction de 5 000, c'est-à-dire 1 700 000. Côté entreprise Bioénergie, le souci est d'accompagner le gouvernement à sauvegarder l'environnement qui est sous menace. Benjamin Bikolimana, le directeur général de Bioénergie, ajoute aussi la création de l'emploi. Élément. L'idée de production des briquettes s'est parvenue au moment où nous étions dans le problème de trouver l'emploi. C'est là qu'on a alors décidé de voir comment nous pouvons produire les briquettes en collectant les déchets ménagers pour résoudre les questions, notamment l'insalubrité et puis la protection de l'environnement et la création d'emplois. C'est là qu'on a décidé alors de créer cette entreprise pour résoudre ces problèmes. La société Bioénergie a déjà engagé jusqu'à l'heure qu'il est une main-d'œuvre de 400 personnes. Isanganiro. Poursuivons avec ce journal. Les femmes qui font le nettoyage des rues de la capitale Bujumbura demandent l'intervention du chef de l'État pour qu'elles soient régularisées en ce qui concerne leur salaire. Elles expliquent qu'elles viennent de passer 5 mois sans percevoir leur salaire et indiquent qu'elles ont eu plusieurs rendez-vous, mais que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été payés. Les détails avec Yves Munziman. C'est l'une des femmes qui font le nettoyage des rues de la capitale Bujumbura après en citant que ces dernières ont fait devant les bureaux de la mairie de Bujumbura le matin de ce mercredi. Elles expliquent qu'elles étaient venues faire des réclamations de leur salaire de 5 mois, comme celle-ci le précise. Les propriétaires des maisons sont en train de nous expulser. Nous avons opté à venir réclamer notre argent à la mairie. Jeudi passé, le maire de la ville nous a reçus et a accepté que notre question va être résolue. Il nous a donné un rendez-vous ce mercredi. Nous sommes venus et il a vu que nous avons répondu au rendez-vous. Par exemple, moi, je suis une veuve, j'ai 4 orphelins, mon enfant était malade et j'ai dû vendre mon pagne et mon téléphone. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons travaillé avec le président de la République nous aide afin de trouver une solution à ce problème. Le maire de la ville de Bujumbura indique que la mairie est au courant de cette question et précise que cette question est en train d'être réglée entre la mairie et les représentants.